moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air. De l'Ariane à Saint-Lévesque, un concept de notre concept, à Saint-Lévesque, concept de notre concept, à Saint-Lévesque, concept fucking de. Et vive le rock libre! We're gonna take on all the blood, all the pain, the truth, the day, and the flame. The Rotten avec les pièces 40s Pontiac. Qu'est-ce que c'est ça, moi, 40s Pontiac? Voyons donc. Aïe, aïe, aïe. 50 Pontiac, plutôt, et la pièce de Street. Extrait de l'album Enemy of the State. Hey, c'est le camarade B qui vous accueille pour une 629e émission de Sky Punka en ce 30 juillet 2016. Et pour répondre à la question de Mathieu, qui est très très présent, assez fou. Et non, du Sky, ça n'existe pas. Il existe juste du Oi, du Ska, du Punk, du Psychobilly, du Hardcore, bref, tout ce qui joue à Sky Punka et qui tourne alentour du Punk. Yeah! Mais du Sky, non, ça existe pas. En fait, ça pourrait être utilisé quand même pour les groupes qui mixent le Oi et le Ska, mais on dit Oi et Ska. Le Sky, non, ça existe pas. Mais ça fait un très beau jeu de mots. Sur ça, en tout cas, on s'en va en musique avec Ripcord et la pièce Theo Like It, The Fallout avec Compassion Overkilling, ainsi que US Bomb et la pièce That's Life. Ah oui, et aussi aujourd'hui, aux alentours de 13h45, les membres d'un vieux groupe anarcho-punk de Drummondville qui font leur retour Néophobie seront présents en studio. À moins qu'il y ait, des extraterrestres qui les enlèvent ou une route trop mélangeante qui ralentissent dans leur cheminement. Un peu comme il était arrivé à Alien's Cab et aussi une fois avec Fidel Fiasco, mais aussi également à Genetic Error. Ouais. Ça, par contre, c'était assez spécial, ça. Ouais. En tout cas, sur ce, allez, on y va en musique avec Ripcord et la pièce Theo Like It. Tout ça à Sky Punka. Problem is you. tell them what to do. They don't realize the problem is you. Gonna shoot myself up with a speedball and I Yeah! Alors, toujours avec du US Bomb en background. Ben, on vient de s'écouter justement du US Bomb avec la pièce That's Life. Pièce qui est extraite d'un de leurs anciens albums à être paru sur L4, l'album Warbird. En fait, c'était pas mal un des premiers albums à avoir été produit sur L4. Deux pièces avant ça, on avait débuté avec Rip Chords et la pièce Theo Like It, qui se retrouve aussi sur un très bon vieux classique de Rip Chords, là. La pièce Your Mother Wear Army Boots But Man She Looks So Cool. Et puis après, on avait eu The Fallout avec la pièce Compassion Overkilling. The Fallout, eux autres qui sont sur Rebel Time Record. Ça, c'était extrait de leur album Dismantlement. Maintenant, on va poursuivre avec du Fire Next Time. Pourquoi? C'est que Fire Next Time, ça mène à Montréal vers la mi-août environ. Là. Faudrait que j'aille voir ça tantôt. Là. Fire Next Time, qui est un des groupes quand même assez récents sur Stomp Records. Ça fait 2 ans environ qu'ils sont sur Stomp. Mais vraiment un très beau groupe folk punk. Donc, pour Fire Next Time, on va entendre les pièces Hellfire and Damnation. He said, ainsi que la pièce Chorus of Crowd. Pourquoi? Ben, c'est que ces deux pièces qui s'enchaînent dans l'autre. Faut dire que sur l'album justement de Fire Next Time va être paru sur Stomp, qui porte le titre de Cold End, la majorité des pièces s'enchaînent une dans l'autre. Même des fois, c'est 3 pièces. Et ils sont quand même assez longues, mais c'est vraiment un très bon album. Si vous le voyez en vinyle, je vous le conseille fortement. Ouais. En tout cas, je l'ai en CD, mais si jamais je l'avais en vinyle, là, je suis sûr que je vais le prendre. C'est vraiment un très bon album. Ça s'enchaîne de A à Z. C'est très bien fait, en tout cas, très bien pensé. Et puis après ça, ben, mon oncle Serge avec une grosse question. Là. Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock'n'roll et la pièce La Campagne? Pourquoi? Je sais-tu, moi. Ça me tentait d'avoir une toune parlant de La Campagne. Sur ce, allez, musique avec Fire Next Time et la pièce Hellfire and Damnation, He Said, Chorus of Crowds. Yeah! Skype encore! Oh, Fire Next Time. Maintenant. Mais, non. Pourquoi? Parce que la pièce est pas setée, fait que du US Bomb pour en attendant. Yeah, why not? Cause I'd rather work on breaking my own bones than some style you know. The deep black sea. I am the calm. I am the invincible. And unlike seasons, I never change. I am the light. I am the cigarette smoke. I am everything you hate about the current rage.

j'y m'ont encore vendu trois cordes de bois pas sec. J'ai toutes les misères du monde à partir mes feux avec. Mais c'est pas grave si les engelures paralysent mes doigts. Ça va me donner une défaite pour pas crisser quoi que ce soit. En attendant que le printemps revienne comme un boomerang, s'écrapoutir d'un dent de la campagne. Et je rêve aux silhouettes des buildings noyés dans le smog. Je vois la cohue, les belles femmes et les stands à hot dog. Et mon cœur bat devant tant d'asphalte et de pollution. Emmenez-en des robineux, des putes, du crack et du béton. Au milieu du tumulte, menacé par les gangs, loin des confins bouseux de la campagne. Ah, ben oui, vous écoutez Skypunka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et tout juste avant le bloc de publicité qui vient de passer, là, eh bien, on a eu Fire Next Time avec la pièce Hellfire and Damnation, he said, de Clarice of Crowd. Et puis, of Crowns plutôt, ouais. Et puis, en tout cas, non, of Crows. À un moment donné, m'en dire comme il faut. Hein. Et puis après, on a vu mon oncle Serge avec Pourquoi mon oncle Serge au-dessus de Rock'n'Roll, ainsi que la chanson ouais, Campagne. Et maintenant, on va enchaîner avec Full Blood et la pièce Plein de sang. Ouais, c'est quand même original parce que le groupe s'appelle Full Blood et tout le monde français, ça fait plein de sang. Et ça, c'est un groupe qui donne dans le punk punk garage garoché de crotté qui vient de Trois-Rivières. C'est quand même pas super récent, ce groupe. C'est quand même assez récent, je veux dire, ce groupe-là. Et oui, ça a été toute une découverte. Donc, Full Blood, ils ont deux albums, là. Un album qui est en vinyle puis en CD, là. Qui est éponyme. Et un nouvel album qu'ils ont sorti et qui est gratuit sur Internet, là. Vous allez faire un tour sur leur Facebook, puis vous allez trouver leur lien Bandcamp. Parce que je me rappelle plus si leur album est sur Bandcamp ou s'il est sur leur Facebook. Mais en tout cas, allez voir ça. Full Blood, ça vaut la peine. Ouais. Et puis, après Full Blood, on va avoir The Gutter Demon avec la pièce After Dark. Pièce extraite de leur plus récent album, hein, qui porte le nom de Unfinished Business. Les Gutter Demon, qui eux, seront en spectacle au Grind Your Mind Open Air 8. Pourquoi je dis 8? Bah, c'est parce que ça me tente pas de dire 8. Et ça va avoir... En fait, c'est sur deux jours. Il y a une programmation punk et une programmation metal. La programmation punk étant celle de la première journée, là, qui est celle du 12 août. Puis après ça, ben, le 13 août, c'est celle pour les metal, les poils. Donc... première soirée, Gutter Demon, Genetic Error, Shotcaller, voyons, Dead Blues Carnival, Tempête, Folk, non plutôt, Cold Folks, aussi le groupe Nushu, Apostoloi, et puis pas mal d'autres, là. Donc, toute une grosse soirée. Hein. Et peut-être que tantôt, on va avoir plus de détails sur ça, car normalement, les gars de Néophobie qui s'en viennent en entrevue devraient être en chemin. Et aussi, aujourd'hui, c'est vrai, j'avais pas dit ça tantôt, mais on va avoir une entrevue pré-enregistrée avec les 3-8 et aussi une brève apparition des membres d'Action Sédition, Pas Mal Sous, ainsi que de No Chaser. Remarquez que... ouais. Remarquez aussi également que votre animateur était un petit peu sous. Mais il faut dire que... la soirée du 22 juillet à Trois-Rivières, qui avait été tout un bon show avec les 3-8 Action Sédition et No Chaser. Par la suite, ils se sont produits aussi également à Repentigny. Donc, j'ai retrouvé les 3-8 là-bas et on a pu terminer l'entrevue sans être trop influencé par la boisson. Ouais. En tout cas, ça, c'est à peu près vers 16h30 que je devrais faire jouer ça. En parlant de la gang des 3-8, ils sont sur la route en direction là, d'Ontario, où ils s'en vont faire deux dates, là. Fait que bonne soirée, les gars, là. Ouais. Allez, faites tracher les Ontariens. Faites-leur boire de la bière. Et en tout cas, nous autres, d'ici ce temps-là, bien, on va y aller justement avec Full Blood et la pièce Plein de sang. Tout ça à Skypunka, sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Puis j'ai oublié une affaire que je voulais vous dire tantôt, parce que j'avais parlé de Fire Next Time. Fire Next Time, leur show, là, ça va être le 20 août à l'hémisphère gauche avec Greg l'araignée. Ouais, fait que ne manquez pas ça. Sur ce, ben là, c'est vrai qu'on y va en musique, là. Puis c'est vraiment vrai que c'est sans plus tarder, là. Yeah, full blood, plein de sang. Don't stop, it's a song! We'll be right back. said that I was done. Well, I walked along Boulevard, my head hanging down. And I went out on the street, I was back up on my feet. Well, I was fighting the same old wars, had to even up the scores. I'm still alive, and I will survive. I can take what life's got to give, just a little time. I'm still alive, talking that same old job. I can handle what comes my way, just give me another day. And the times have changed, my friend, I'll be here to the bitter end. With a guitar in my hand, I stand a little taller. And I've been to hell and back, I ain't falling off this track. From the back to the front page, from the gutter to the stage. And I'm still alive, and I will survive. I can take what life's got to give, just a little time. And I'm still alive, talking that same old job. I can handle what comes my way, just give me another day. Stand with a guitar in my hand. I'm still alive, and I will survive. I can take what life's got to give, just a little time. I'm still alive, talking that same old job. I can handle what goes my way, just give me another day, another day. Social Distortion avec la pièce Still Alive. Tout juste avant cette chanson, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu Full Blood avec Plein de sang, Gutter Demon avec After Dark, ainsi que Koopy Ghoulie, et plutôt Keepy Ghoulie, et la pièce Ring of Fire, qui est une reprise, bien sûr, de Johnny Cash. Et après ça, eh bien, on a vu Social Distortion avec Still Alive, extrait de leur album qui s'appelait Hard Times and Nursery Rhymes. Maintenant, on va continuer en musique, en attendant que peut-être la gang de Néophobie se pointe. Parce que peut-être se sont vraiment fait enlever par les extraterrestres quand tu dunks dans l'anarcho-punk. C'est des choses qui arrivent. Surtout quand tu pars de Drummondville pour t'en venir vers Trois-Rivières, il y a plein de choses qui peuvent arriver comme une attaque de Poutine géante. On sait jamais. Hein? Ouais. En tout cas, on continue avec Shot Caller à la pièce Sans Futur. Genetic Error à la pièce No Future. Version vinyle, bien sûr, extrait de Toxic Planet. Hein. Le beau nouveau vinyle remasterisé là, de l'ancienne cassette. Là. Jetez vos cassettes, écoutez le vinyle à Star, il sonne 100 fois mieux. Et puis après ça, l'Erectum avec le Corridor de la Mort. Ah, c'est un bloc assez sombre. Et tant qu'à parler de mort, ben après ça, on va avoir Dead Kennedys avec Triumph. of the Swill, qui est extrait de Bataille pour la démocratie. Ben oui, en plein ça. Sur ce, allez, musique avec Shotcaller et la pièce Sans Futur. Tout ça, ben, à Skypunka. We'll be right back. last line. Bed of a gunshot wound. He had his headphones on and there was an Ozzy record on the turntable. So we called our lawyer. That could only get better. All you need to do is fall in love. Before them, government music. Do it in a words or it is so bad. If someone else just wants it that way. If a Doors or a John Lennon were getting started now, the industry wouldn't sign him in a million years. So what do we get? Government music! Critics and censorship and tax breaks! Government music! So we suck out on our false hopes, we'll collapse to obey! Five of us will! Five of us will! Five of us will! Five of us will! Pap, m'entends-tu? Oui, monsieur. Oh yeah, c'est super ça, on va placer encore ça là. Dis-moi donc un petit 1-2-1-2. 1-2, yeah, test. On veut du pifaroni. Oh yeah, c'est parfait ça. Bon, ok, alors hey, je pense qu'on a toute une histoire drummondvilloise à compter, ça se pourrait-tu? ça se peut certain. Alors, vous autres, la gang de, voyons, de néophobie là, est-ce que je pourrais avoir là, l'historique de vous de votre groupe là, quand vous avez commencé, où vous avez débuté, parce que peut-être que vous venez pas tous de Drummondville, là, je le sais pas. En quelle année vous avez commencé, bref là? En 87-88. Oh boy, ça date quand même! Ça date quand même, rendu des mononcles. Ouais. Hey, vous autres, là, quand vous avez commencé, là, vous avez mis vos démos sur cassette ou vinyle ou... Cassette. Oh yeah. Bon, une bonne vieille cassette. Aujourd'hui, dans le fond, là, vous êtes en train de faire un retour, mais est-ce que c'est tout le même line-up original de l'époque? Non, c'est pas tout le line-up. Il y en a qui sont dispersés un peu partout, fait que... Non, c'est venu de Lézard, l'idée. OK. Puis, il voulait faire un hommage à Néophobie, puis okay. Un moment donné, j'y ai téléphoné, puis j'y ai dit, ben, hey, on repart ça. Ah, c'est bon. Puis, Pat, lui, c'est celui qui s'occupe du Grand Yeoman avec Dave, là. Exactement. Yes, sir. Et puis, pourquoi, au juste, votre groupe a arrêté? Quoi, c'était en 1992, hein? Non, 1993, je crois, vous avez arrêté de jouer. Le dernier démo, il date de 94. OK. Bonheur et prospérité. OK. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît, celui-là. Non plus. Il va être disponible, par exemple, dans pas long. OK. Et sur quel format? Ça devrait être comme quand tu vas à la pompe à essence. Fait que, mec, tu viens de voir nos shows, on va te les loader pour vraiment pas cher. OK. Votre présent retour, là, est-ce que c'est pour du long terme ou du court terme? Ça devrait être du long terme parce qu'on rentrera en studio à partir de janvier. Ah ouais, OK, pour un nouvel album? Ouais. OK. Faites sur... faites sur quel format? Est-ce que c'est un album complet ou un EP ou un LP avec un autre groupe? Ou comment vous voyez ça? Hein? Complet. Et ce serait pour sortir sur quel format? Cassette, vinyle, CD, MP3? Cassette, on m'a dit qu'il y en avait qui cherchaient des tapes deck, fait que je sais pas si ça va être cassette. J'aurais bien aimé ça, cassette, moi. OK. Mais on verra. Peut-être sur clé USB. Oui, OK. Est-ce qu'il y a-tu comme un label qui vous a approché ou bien ça va vraiment être du DIY? Hein? Ouais, il y a qui nous a approché, ouais. OK. Je pourrais pas dire encore. C'est ça. Donc c'est trop récent pour l'instant, là. Ouais, dans la discussion, collaboration, on sait pas trop comment qu'on va s'arranger là-dessus. OK. Vous autres, Trois-Rivières, c'est la ville qui clique le plus sur notre page Facebook, en tout cas. Ah, ben c'est sûr, parce que ça fait longtemps, là, tu sais, quand les vieux Ben leur sortent un peu comme Genetic Error là, présentement, là, leur retour fonctionne très très bien. Et Ian Scab, la même chose, il y avait 400 personnes dans leur dernier show, là, chose que j'avais pas vu depuis un bon gros 10 ans là, pour Trois-Rivières. Là, c'est ça. Ouais. Bonne fin. Ouais. Ben, en tout cas, des fois, les mononcles se réveillent, ils quittent leur maison pour sortir un peu, ça a de l'air, on dirait bien. Hein. Bon, il faut, parce qu'il faut pas lâcher, hein, parce que avec toute la grosse scène là, qu'on avait avant. Là, ah, c'est sûr. Ah, oui. Hey, avec Internet et tout. Ouais. Ouais, mais ça aussi, des fois, ça fait du bien de sortir, tu sais. Il faut pas trop rester à la maison. Là. Ouais, oui. Hey, j'aimerais savoir, vous autres, qu'est-ce qui vous influence le plus? Autant au niveau du style musical qui a fait que vous avez décidé de d'utiliser le son qui est caractéristique de Néophobie, mais en même temps aussi, qu'est-ce qui vous influence politiquement, vu plus que vous êtes un groupe anarcho-punk, c'est sûr que vous avez une plus grande critique face à la société, là? Ouais, c'est sûr. Ben, tout ce qui va avec, je veux dire... Il n'y a rien qui a changé depuis qu'on a commencé. Non. Ce qu'on dit dans nos tours, là, 20 ans, 25 ans, c'est toujours de l'heure. Là. Mais en gros, là, c'est les sujets que vous... les sujets que vous approchez le plus, que vous traitez le plus, c'est lesquels? Pour le prochain album ou... Pour le prochain, puis en général, là. En général, ben, c'est de contester tout ce qui ne va pas avec nos valeurs. Les valeurs de la majorité des personnes qui acceptent, disons, le conscient du continent. Ça. OK. On est conscient qu'il arrive de quoi, okay. Mais... Ouais, c'est ça. C'est incompréhensible. Là. Musicalement, est-ce qu'on pourrait dire que Crass et Conflict ont été une influence pour vous? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Toute l'indépendance qu'elle a avec. Parfait. Mais au niveau des paroles, pourquoi avoir choisi le français? Parce que, tu sais, il y a plusieurs groupes, je veux dire, qui passent plus par l'anglais, surtout vu que, dans le fond, vous dire que quand vous avez commencé, la majorité des groupes chantaient en anglais, c'était rare en français. À cette heure, il y en a de plus en plus, là, mais pourquoi vous avez choisi le français à l'époque? La langue maternelle. OK. Et... Pour le message, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile justement d'aller rejoindre du monde comme ça? En français, oui. Ben oui, il y a plein de pays dans la francophonie qu'on pourrait rejoindre la part avec Internet et tout. Ça, anciennement, juste organiser des concerts, on faisait ça par la poste. Là. Tu sais, là, aujourd'hui, on y va par Facebook, whatever. Oui, c'est sûr, c'est pratique. Là. Ben ouais. Est-ce que aussi, au niveau là, des shows qui sont à venir, est-ce que c'est seulement, je veux dire, des shows là, locaux ou vous avez aussi là, d'autres choses à l'extérieur un peu, là? Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour le prochainement, hein? On a des projets, mais pas prochainement. Ça sera pour l'année prochaine. OK. Là, dans le fond, là, vous vous concentrez sur le pre-Grind Your Mind, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Après ça, il y a Saint-Hyacinthe, on a une couple de shows, il faut aller voir ça sur notre page. On a tout mis ça sur notre page. On a plusieurs dates là, jusqu'à Noël. OK, sur votre Facebook, là, finalement, c'est ça? Oui, on a Barf. Une des dernières dates, ça va être avec Barf à Québec le 17 décembre. Ah oui, puis je crois que je vous ai vu aussi avec Oi Poloi. Oi Poloi à Saint-Hyacinthe, exactement. On fait un show gratis tout à Waterloo. Oh, très bien, ça. Ouais. C'est bon, ça. Et là, dans les. Je pense que votre show là, le plus proche, là, c'est le prochain, là, qui est le 6 août avec End of Line, Gooch de Chèvre, je suis pas trop sûr pour la prononciation du groupe, et Space Maker, c'est bien ça? Oui. Ça, oui, exactement. Et là, est-ce que vous allez tester la scène extérieure du Grind Your Mind ou ça va être chez Dave, le show? C'est extérieur. Extérieur, donc vous allez le tester, le nouveau stage, là, sûrement, qui est en construction? Exactement. Oh, le nouveau stage, 10 pièces l'entrée, le camping est gratuit, ça va être excellent. Ah, OK, fait que maintenant, le monde peut camper pour le prix Grand Your Mind aussi. Exact. Oh, parfait, ça. J'imagine... Ça va roder la fin de semaine prochaine. Hein? Ben oui, c'est bon ça. J'imagine que le monde peut toujours apporter leur chien comme d'habitude, mais en laisse, c'est sûr. Exactement, toujours en laisse. Très bien ça. Bon, ben très bien en tout cas. On sait bien qu'il y en a qui n'ont pas le choix, là, mais bon en tout cas. Ben, pour les chiens, c'est mieux. Ouais, c'est ça, tu sais. Même la nationale, ils sont super gentils, qu'on s'y arrivera pas de problème, et pour éviter les problèmes, ouais, c'est toujours mieux, ça serait en laisse. Mais juste le fait qu'on puisse amener nos chiens, c'est très bien, ça. Est-ce que vous savez si c'est deux scènes ou une scène qu'il va y avoir pour le festival principal? S'il va y avoir une scène? Ouais, ou deux, là, parce que des fois, ça arrive comme à certaines places, tu sais, qu'il y a deux stages. Ben, je sais que le Grand Yeoman fonctionne avec un stage, puis normalement, ça fonctionne très bien comme ça. C'est une scène, puis ça fonctionne super bien. Good. Parfait. S'il pleut, qu'est-ce qui se passe? S'il pleut? Ouais, mettons. Il y a plein de abris, puis tout, puis un petit chapiteau, puis tout. Le monde va se coller, puis ils vont être plus familial. Très bien, ça. Que, fait que pluie, pas pluie, il y a le prix gagnant. On va avoir le prix Grind Your Mind à Drummondville avec vous autres, ainsi que le Grind Your Mind par la suite. Et je m'en vais dire, moi, Drummond, mais dans le fond, c'est proche de Drummond, mais c'est à Notre-Dame du Bon Conseil. Exactement. Bon. Sur ce, moi, en tout cas, je vous souhaite un très bon retour. Mais avant qu'on se laisse, je vais faire jouer deux de vos anciennes chansons et j'aimerais que tu me les expliques. La chanson « Où allons-nous » ainsi que la pièce « Déçue ». Ouais. Tu veux que je t'explique ça? Ouais, explique-moi ça, là. Dans la façon de jouer, c'est tout est expliqué. Où allons-nous? On se le demande encore. Bon. Et ça, vous... Même donné. Hein? Puis déçu, je veux dire... c'est ça. OK. T'es déçu. C'est bon. Mais déçu... Je peux pas l'expliquer, mais ben, faut l'écouter. Je viens de temps en plus. C'est good, ça. Fait que, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Et nous autres, on y va sans plus tarder avec les chansons « Où allons-nous » et « Déçus » de Néophobie. Puis, je vous remercie pour l'appel, là. Hey, c'est moi qui te remercie, hein. Dans toute la gang, on te remercie. Ben, de rien, ça fait plaisir. En punk, faut bien s'aider. J'espérais de voir. Yes, ouais, c'est sûr. On fait okay. Bien un bon show old school. Yes. OK, yeah. Bye. Salut, là, merci encore. On vous attend là-bas. Yes, sir. Yeah, bon, ok. Alors, on poursuit maintenant avec les deux pièces de Néophobie. Et ça commence immédiatement là, avec Où allons-nous être déçus? Toujours à Skullpunka. Allez, let's go. Musique. On va faire un petit fade sur ce qui jouait là. Wouah, quasiment professionnel. Et puis maintenant, on y va maintenant avec la chanson que je vous avais annoncée. Yeah! place, c'est qu'il est fait de te demander. Néophobie avec les pièces Déçues ainsi que Où allons-nous? Maintenant, on va enchaîner avec The Rude Boy et la pièce Summertime, Inspector Seven avec la pièce Mélodie d'amour, ainsi que The Kingpins et la pièce Don't Turn Away. Par la suite, bloc des publicités et ça va enchaîner immédiatement avec une entrevue, ou plutôt avec deux entrevues, un mix de deux entrevues, bref, que j'ai fait au cours de la semaine passée avec les 3-8, Action Sédition et No Chaser. Le début, en fait, vous allez voir que le monde est assez affecté par l'alcool, là. Mais ça, c'est à Trois-Rivières, OK? Et puis après ça, bien, vous allez avoir plein de bonne musique en lien avec cette entrevue-là. Je pourrais vous dire aussi que ça va commencer avec la pièce d'Action Sédition portant le titre de « Sous la branche d'Olivier ». Ouais, sur ça, en tout cas, allez, musique et Rude Boy avec la pièce « Summertime ». We'll be right back. don't turn away from me, or you will pay. Les dernières minutes, on a eu The Rude Boys avec Summertime, Inspector Seven avec Mélodie d'amour, ainsi que The Kingpins et la pièce Don't Turn Away. Maintenant, avant que je laisse aller là, l'entrevue là, avec la gang des 3-8 d'Axios Édition et No Chaser, je voudrais vous dire que ce soir, les 3-8 donnent un dernier concert et ce n'est pas en Ontario, et non, c'est à Montréal. Donc, aujourd'hui, les 3-8, L'État, c'est moi, ainsi que Mauvaise Conduite sont en spectacle au Fatal, qui est situé au 679 Saint-Rémy, à Montréal. Si vous voulez avoir le code postal, c'est le H4C3G7. Donc, je répète, les 3-8 avec L'État, c'est moi, ainsi que Mauvaise Conduite sont en spectacle ce soir au Fatal à Montréal. Question de bien terminer la tournée canadienne des 3-8. Sur ce, allez, on enchaîne immédiatement avec l'entrevue des 3-8 et compagnie. Mais tout d'abord, en guise d'introduction, pour l'entrevue, on va voir Axios Édition avec la chanson « Sous la branche » d'Olivier, extrait de leur tout nouveau split 10 pouces qu'ils ont fait avec Bull Brigade. Ensuite, ben, on va avoir du blabla. Et puis, on va avoir de la musique avec les 3-8 et la version vinyle de Jeunesse Fichée. Après ça, encore du blabla. Et puis, les 3-8 avec la pièce Unie. Puis, une autre partie d'entrevue. Et après ça, les 3-8 avec la pièce Bira, qui est un cover de Bull Brigade. Et après ça, eh bien, je vais conclure l'émission avec vous autres. Sur ce, allez, on y va en musique avec Action Sédition et la pièce Sous la branche. Mais un petit peu de Kingpins avant ça. Question de tout bien placer les choses. Man say God is reason. The system be made to abuse it. So insane, yeah. So insane, no! commencer avec Action Sédition, avec Eric qui est disparu, qui est rendu à l'autre bout en train de se déboucher une bière. Eric, qu'est-ce qui vous inspire le plus côté parole? Côté parole, ben c'est sûr qu'on s'inspire de la société dans laquelle on est. Hein. Fait que tout ce qui se passe autour de nous, la vie de la classe ouvrière, les problèmes sociaux, en fait, c'est ça. Là, les oppressions en général, nous, on veut dénoncer tout ça. Des nouveaux albums à venir? Ouais, on travaille là-dessus. C'est notre prochain gros projet. On veut faire un LP complet, là, au moins 12 tunes, un album complet. Là. Quel label? Ben, la dure réalité. Yes, sir! OK, on enchaîne avec les 3-8. Qu'est-ce que vous pensez de votre gouvernement français qui est supposément socialiste? C'est de la merde, c'est des fascistes qui sont en train de tout faire pour mettre le peuple à dos et le doigt, là, j'arrive plus à parler, mais en tout cas, ouais, avec la loi travail, l'état d'urgence et toutes ces conneries qu'ils sont en train de mettre en place en ce moment, ben du coup, c'est de la grosse merde et pour les prochaines élections 2017, ça sera bien pire et ça va chauffer, ça va chier, ça va péter. Est-ce qu'il y a des nouveaux albums qui s'en viennent pour les 3-8? On s'est fixé un petit objectif pour janvier 2017, donc on verra si on atteint cette date-là, sinon ce sera courant 2017. Pour mon chasseur, est-ce qu'il y a un album qui s'en vient? On voulait enregistrer à la fin de l'été. Bye. Notre vue pour Skypunka avec les 3-8, troisième version. Alors les gars, aujourd'hui nous sommes à Repentigny et même si je vous ai déjà posé cette question-là, je vais vous la reposer de nouveau puisque l'événement a été enregistré, ou peut-être même complètement pas. Les 3-8, ça veut dire quoi au juste? Les 3-8, c'est un régime de travail en France qui fait qu'on travaille une semaine le matin, une semaine l'après-midi et une semaine la nuit, qui est beaucoup utilisée dans le monde ouvrier. Et aussi, c'est aussi le numéro de notre département. Donc on voulait jouer un peu sur nos origines working class et puis sur le numéro de département qui se trouve être le 38. C'est bon. J'aimerais ça aussi savoir l'historique du groupe. Depuis combien de temps vous existez? Est-ce que vous êtes le même line-up? Le line-up qui a changé depuis le temps? Bref, qui pourrait répondre à ces questions? Alors, le groupe, il existe depuis 3 ans. Et le line-up, il a changé il y a 2 ans et il y a 1 an. Donc à la base, il y avait Manu à la guitare, Ivan au chant, Adrien à la basse, Tonton à la guitare. Et Greg à la batterie. Ensuite, Greg est parti, Rokumut les a rejoints un an plus tard. Et il y a un an et demi, Tonton qui faisait de la guitare est parti. Et, du coup, moi, je les ai rejoints il y a un an et demi. Ok. Et pourquoi il y a eu autant de changements? Bah, c'est simple parce qu'au début, nous, on faisait juste de la musique. Quand on a monté notre groupe et que les choses sont devenues un peu plus sérieuses, il y avait des gens qui pouvaient pas forcément suivre ça. Donc notre batteur, lui, il a déménagé à La Rochelle, donc il a lâché le groupe. Et pour notre guitariste Tonton, il avait pas forcément le temps que nous on peut avoir aujourd'hui, donc il a quitté le groupe sans qu'il y ait de mauvaises ententes. Ça s'est super bien passé, on est encore en très bon contact. Donc c'était plus une question de motivation et d'ambition dans le groupe, de ce qu'on voulait faire et du temps que ça pouvait prendre. J'ai entendu le mot famille aussi. Ça se pourrait-tu qu'au niveau de la famille, ça avait fait de quoi? Ben en fait, voilà, Tonton, il a eu un enfant et du coup, bon, ben, ça a pris plus de temps. Ok. Vous autres, au niveau des tournées, jusqu'à présent, votre tournée québécoise se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. On est super bien accueillis. Tellement qu'on est super fatigué, on n'a pas beaucoup de temps pour dormir tellement on fait la fête, tellement on a un bon accueil. Mais pour l'instant ça se passe super bien, franchement on est super content d'être là, on rencontre des gens tous les jours, on fait des shows tous les soirs, nous on est sur un petit nuage et on vit ça à fond et c'est pour ça qu'on dort pas beaucoup. C'est qui vous a booké ici? C'est votre label en France ou c'est les connaissances que vous avez au Québec là? C'est du réalité. Ok. Ouais. On les remercie pour ça, du coup. C'est bien, ça. Autre chose aussi, au niveau des tournées, vu que ça fait 3 ans que votre groupe existe, est-ce que c'est une de vos premières grosses tournées ou vous en avez fait plusieurs depuis ce temps-là? Non, on en avait fait une, justement. Et on avait bien partagé la scène avec Action Sédition, donc on avait fait... En France? Ouais, en France, ouais, en Europe. On avait fait 3 ou 4 dates avec eux. À Lille, à Paris, à Manchester et à Grenoble. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait ces gens ils étaient exactement comme nous et on délirait comme eux et qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre nous et qu'on s'amusait vraiment bien ensemble. Donc c'est un peu là que les liens se sont vraiment soudés entre nous. Et qu'il y a aussi, on a fait d'autres tournées à Nantes, à Bordeaux, Toulouse, on a déjà joué à Paris, à Lyon, j'en passe, je ne sais plus trop où est-ce qu'on a joué, en Suisse aussi, à Genève, donc on a déjà pas mal bougé en Europe. Mais là, c'est vrai que c'est la première grosse tournée vraiment à l'étranger, très très loin de chez nous. La scène à Grenoble, qu'est-ce que ça a de l'air, la scène punk et oeil? La scène à Grenoble, elle passe beaucoup par... la scène punk, elle passe beaucoup par les squats à Grenoble. Donc il y a beaucoup de concerts dans les squats. La scène oeil, elle existe quasiment pas à Grenoble. Donc on est un peu... on est les seuls d'ailleurs. Et puis voilà. Est-ce que vous êtes serré quand même comme autant de personnes si vous êtes le seul groupe oeil de Grenoble ou il y a plus de punk, plus de skin? Ou je sais pas, votre scène chez vous, ça a l'air de quoi côté punk, côté skin? On va dire que ça, au début, c'était un peu difficile parce que c'était à peu près tout nouveau. C'était un genre tout nouveau chez nous. Et du coup, au fur et à mesure, nos amis et les gens des squats et des militants, des militantes ont commencé à vraiment bien apprécier ce qu'on fait. Après, chez nous, ouais, il y a des punks, il y a des skins, mais c'est pas folklorique, quoi. C'est pas... Mais votre sound, est-ce qu'elle est quand même comme unifiée ou elle est divisée ou, Oui, c'est très unifié, quoi. Okay. Donc ça ramène pas mal de monde à chaque fois qu'on fait des concerts. Ouais. On est, Grenoble, c'est une petite ville. On est pas très nombreux, mais on se connaît tous. On est très soudés, donc c'est quand même un bel avantage d'être pas très nombreux, mais déterminés et soudés. C'est bien. J'aimerais savoir aussi, vous autres, côté paroles, qu'est-ce que vous avez, côté paroles puis influence musicale, qu'est-ce que vous influence? Les paroles, c'est plus comme finalement, politiquement parlant, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui fait que vous écrivez de la musique finalement? Puis côté influence musicale, quelles sont vos influences musicales? Faut peut-être faire le tour de toute votre gang peut-être ou... Ouais? Moi, ce qui me ramène là-dedans, c'est carrément l'engagement, le militantisme et toutes les luttes qu'il y a à faire en ce moment chez nous et ailleurs contre toutes les oppressions et pour fédérer et pour faire... C'est un des engrenages de notre militantisme parce qu'en dehors, on essaie de se bouger dans les manifestations, les actions de blocage... Les assemblées populaires, tout ça. Bon. Quelque chose à rajouter? Après, nos influences, du coup, elles peuvent être très variées d'une personne à une autre, mais ça peut venir du rap, du punk, de la hoï, du rock, des claquettes, non, je sais pas. En général, tout ce qui est un peu revendicateur, c'est vraiment ce qu'on écoute le plus. Et puis nous, la musique c'est fédérateur et ça se retrouve bien au niveau politique et c'est ce qu'on aime. Sur le toit. nos orages qui se lisent sur nos visages. Unis nous restons toujours autour d'une passion. Et tout ça pourquoi? Pour relâcher la pression. C'est exactement ce que disait Manu, c'est vraiment la force du groupe, c'est la force des 3-8, c'est la différence d'influence qu'on a, autant musicale que ce qu'on a vécu entre guillemets. Mais, on vient tous un peu de milieux différents, musicalement surtout, et on a essayé de faire, sans vraiment le chercher, on a essayé de mélanger un peu toutes nos influences et tout ce qu'on aimait pour faire quelque chose qui nous réunisse déjà nous et qui nous plaise. C'est bon? Admettons que, mais là, ça, c'est vraiment une question personnelle à chaque, vous êtes les quatre obligés d'y répondre. Vous vous retrouvez sur une île déserte, puis pensez-y comme il faut, vous avez le droit d'apporter un vinyle, mais vraiment seulement un vinyle. Mais quel des vinyles vous apportez? On va commencer par le chanteur des 3-8. Brigadier Florence Magone. Lequel? Lequel, c'est tout pour tous. C'est bien, on continue avec Polo. Ouais, c'est une question trop difficile. Ouais, je sais. Tu vas amener une compile. Compile. Ça va. Pensez à rien. Non. Ah, pauvre Polo, il coule avec le bateau. Manu, alors Manu, toi, t'apportes quoi? Action sédition. Ouais, mais c'est du lèche-botte, ça. Ouais, je sais pas trop. En plus, j'écoute pas de vinyle. Si, moi, ouais, ça peut être un CD, là, mais. Apollo, il a trop. Ouais, Caméra Silène, ça. Caméra Silène, laquelle? Le deuxième, c'est lequel? Réalité, pardon. Oh, le Nashbot. J'allais dire pareil. On conseille avec le drummer du groupe, mais tu me rappelles ton nom parce que. Brookmout. Hein? Brookmout. Brookmout? Ouais, Brookmout. Ok, Brookmout. Alors, on conseille avec Brookmout, le batteur du groupe. Moi, je pense que j'apporterais. Un de Warzone. Don't forget the struggle. Très bien. Alors, quelles sont vos prochaines dates à venir au Québec et ailleurs dans le monde? En tout cas, celles que vous. Présentement, après avoir picolé beaucoup, vous en souvenez? Moi, je peux dire le prochain. C'est dans à peu près une heure ici, à Montréal, dans la banlieue de Montréal. Repentigny. Après, à côté de Charlemagne. À côté de Charlemagne qui et la est là de où Céline Dion est née. Voilà. Voilà. Tu vois, en retrain, ouais. Ah, ok, je rentre par là. J'aurais préféré apprendre autre chose, par contre. Demain, on est à Verdun. Ça, je crois que c'est un quartier de Montréal. Ouais. Après, demain, on est à Montréal. Et après, on va en Ontario. Ontario. Et on fait Hamilton. Et le lendemain, on fait Toronto, je crois. Et après, on a des dates de prévues En Europe, mais à partir de septembre, je crois. Ouais. Et ça va être la France, peut-être. Ouais, il y a Haute-Savoie. Haute-Savoie. Il y a quoi? Allemagne, Stuttgart. Ouais, je sais pas. Stuttgart et Berlin. Stuttgart et quoi, tu disais? Et Berlin. Berlin. Ok. Et peut-être en Pologne. Oh! Mais normalement, peut-être, je crois. Apparemment que les Polonais reçoivent très bien et boivent beaucoup. Ah, ben on verra. Ça, ben moi, je vous remercie pour l'entrevue. Et je vous souhaite une bonne tournée et puis une bonne continuité pour votre groupe. Merci à toi. Merci. ça, c'était toute une entrevue. Et pour revenir sur la musique qui a joué pendant justement cette entrevue, vous avez eu tout d'abord Action Sédition avec Sous la branche d'Olivier, Action Sédition qui nous vient de Montréal, Les 3-8 avec Jeunesse fichée, version vinyle, pièce que vous pouvez retrouver sur leur split avec Les Partisans qui vient tout juste de sortir. Et après ça, on avait eu deux autres pièces des 3-8, c'est-à-dire la chanson Uni, qui se retrouve sur leur album éponyme, ainsi que la pièce Bira, qui est une reprise de Bull Brigade, qui se retrouve également sur l'album éponyme des 3-8. Maintenant, il est rendu le temps de se quitter, et on se quitte avec Bull Brigade et la pièce Perduto Amore, qui elle se retrouve sur le tout nouveau split 10 pouces que Action Sédition vient de réaliser avec Bull Brigade. Sur ce, à la semaine prochaine tout le monde pour une autre émission de Sky Punka, toujours le samedi entre 15h et 17h. Bye bye! Et à la semaine prochaine. Dentro di sé, con quei vent'anni che non riesce a dominare, nella città in cui più speranza non c'è, sotto i palazzi tra le trove delle scale, stringe gli affibili di coscienza e follia, dentro quei gesti forse ricorderai, di noi sballati e persi in mezzo alla via, e di quel tempo che non torna indietro mai. Pensiero torna al momento in cui c'era una scena e non soltanto le rovine, i nostri sguardi in mezzo ai vicoli bui e i nostri cuori oltre ogni limite e confine, non queste mura di leggende in realtà oltre le quali nulla resta di noi. Cosa racconti al tuo cuore quando il mio nome pronunciare non puoi? E quanto è grande il cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà, e quante spine ancora scoprirà il destino, e quanta rabbia dentro gli occhi dura sto cammino che ti riporterà tra la nebbia finta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi, parli poco coi tuoi e poi lei. Compagna, dove sei? Questo silenzio vuoto e senza un perché è un labirinto da cui non riesco a fuggire, come la rabbia che ci ha fatto schire, che spinge i cuori costringendoci ad ardire, come quel disco che ti trasporta via, che ha sacro suolo nella nostra città, che tiene sotto scacco l'anima mia, che salvarla mai potrà. E quanto è grande il cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà, e quante spine ancora scoprirà il destino, e quanta rabbia dentro gli occhi dura sto cammino che ti riporterà tra le mie finta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi, parli poco con tuoi e poi lei. Compagna, dove sei? Les soldats, les bons frères lourds. Non, lui, il n'y a pas de sandales, c'est celle-là qui a des sandales. Pour nous, Chaser, est-ce qu'il y a un album qui s'en vient? On voulait enregistrer à la fin de l'été. C'est pas encore booké, fait qu'on va regarder avec Germain. Germain. Salut mon beau Germain. I miss you, baby. Le beau. Ah, ça marche encore. Okay. Je suis pas sûr, mais. Comme on est ma Trois-Rivières, je pense que... c'est un fondine de Grenoble. Oh non, ça, je suis vraiment sûr, ça, c'est les rectums ou génétique erreur qui ont laissé ça ici. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben, les rectums, c'est comme... Génétique erreur. Ben, non, mais les rectums, non, mais... T'as le rectum qui est le Ben Punk joke. Ah ouais, rectum avec... C'est génétique erreur. Mais en voyant ça, je pense qu'André... Non, ça, c'est du André, de... Ouais. T'as laissé ça de même, vous avez... Ils vont te traire, les nazis. J'ai manqué ma chance. Parce que... Salut, ouais. Mec, tu entends ouais. Plein d'affaires. Tu veux pas, tu veux. Ça sert à rien. Tu vas vraiment faire ça. Ah oui, je peux en faire plein de choses. Tu écoutes moi petit déjeuner. Ouais. Après ça.